conférence. C'est moi là. Oui. Bon. C'est vrai? Ah oui. C'est pas mon ego qui va dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Ça, je peux le faire, c'est mon être. Mais, parce que je respecte la sensibilité des gens, parce que j'aime bien le monde, parce que je ne peux pas demander trop à l'homme, je reviens. Je savais qu'il y avait un homme. Oui. Si c'était il y a quelques années, je serais parti. Oui. Parce que dans ce temps-là, j'aimais brasser. Mais aujourd'hui, je vais le faire. J'aime pas ça. Mais vous comprenez? Ah, c'est très ça l'art. Donc, ouais. L'homme conscient crée son art. Mm-hmm. Bon, moi, je m'en vais. Et les gens disent qu'il n'est pas fin de venir à Montréal. Il n'est pas gentil. On a payé pour aller le voir et il signe tout comme ça. C'est le problème. C'est pas le mien. Mm-hmm. Et peut-être que dans 3 ans, ils m'ont dit, ah, il y avait raison, il y avait quelque chose, je ne vais pas comprendre. Je m'en vais. Mais je reviens parce que... j'ai plus de plaisir à revenir qu'à partir. Si je m'en allais, j'aurais une petite tristesse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprendraient pas mon mouvement. Il y a des gens qui comprendraient. Ah, il l'a fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne comprendraient pas. Donc, je ne veux pas supporter ça. Donc, vous comprenez quoi? C'est bon.